cœur, amateur de moteur et rotor, et je fais peur. Il fait peur. Comment je les chocotte? J'ai la barbe et un bandana dans les cheveux, un bracelet de force et des Ray-Ban aux yeux. Je suis ambitieux. J'aime les tatouages sur tout le corps. J'aime aussi les têtes de mort. Je suis hardcore. Il est hardcore. Moi, j'aime mon perfecto sans manche, mon moule beat posé sur les hanches. Moi, ça me branche. Et ça le branche. Je suis étanche. Moi, j'aime les Harley Davidson. J'aime les grosses motos, surtout celles qui consomment. Avec une conne. Avec. Ah bah c'est toi? Ah bah peut-être, écoute. Non, sur le porte-bagage. Ah, sur le porte-bagage, ça doit être toi alors. Ah bah ouais, c'est moi. Parce que moi je suis sur le guidon. Les nanas et les motos, j'aime boire de la bière chez Alfredo. Je suis un poivreau. C'est un poivreau. Moi, j'aime les litrons de bière. J'aime aussi insulter ta mère. Je suis un biker. Biker, c'est un biker. Biker, je porte des Nikers. Déjà 50 ans passés, mais je vais toujours au concert d'ACDC. Comme un cuirassé, comme un crustacé, un peu excédé par les choristes. Moi, j'aime tous les vieux groupes de rock. J'aime pas du tout le hip-hop. Je fais des syncopes. J'aime la vitesse, les frissons dans mes fesses. J'aime doubler les voitures en leur faisant un doigt. Même si ça rime pas. Non, non, ça rime pas. Ouais, je suis pas sympa. Ça, c'est vrai. J'aime la route, traverser le Nevada. J'ai même fait tous les états aux États du Nord. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Sur tout le cul posé, sur un gros volume, je suis un légume. Ça suffit. Une enclume. Une enclume. Je suis ce qu'on appelle un rebelle. J'ai des oursins sous les aisselles. Je suis une aquarelle. Une aquarelle. Attention merde, c'est mon bébé ça. Tu te plantes pas s'il te plaît la batterie, putain. C'est un tube ça, ça va faire le tour des États-Unis. États-Unis. Hein? Julie. Ouais bon, ta gueule. Alfredo, une binouille.